De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 7. 4 à 6. De la mémoire. Après avoir décrit la mémoire sensible, saint Augustin décrit la mémoire intellectuelle. Outre les idées relatives aux choses extérieures, dit-il, ma mémoire contient dans une partie de l'âme plus reculée et plus profonde toutes les sciences que j'ai apprises, la littérature, le dialectique et les diverses questions qu'elles se posent. Elles n'y sont point à la manière des sons, des couleurs, des formes, qui restent au dehors après avoir modifié plus ou moins fortement mes organes, et ne me laissent que des simulacres à l'aide desquels je puis me les représenter. Elles y sont elles-mêmes. Confession, livre 10, chapitre 9. On peut se demander sur chaque objet, s'il est, ce qu'il est, quel il est. J'ai dans mon esprit les images des sons qui servent à exprimer ces trois choses, mais ces choses elles-mêmes n'ont point d'image, et mon âme seule peut les saisir. J'ai beau passer en revue toutes les portes par lesquelles je communique avec le monde extérieur, je ne saurais voir par laquelle elles sont entrées au-dedans de moi. Mes yeux me disent, si elles sont colorées, c'est nous qui t'en avons fait le rapport, mes oreilles, si elles sont sonores, c'est nous qui te les avons révélées, mes narines, si elles ont une odeur, c'est nous qui leur avons donné passage, mon goût, si elles n'ont pas de saveur, ne m'interrogez pas sur elles, mon toucher, si elles ne sont point corporelles, je ne les ai point touchées. Confession, livre 10, chapitre 40. Arnaud ne s'exprime-t-il pas sur l'origine des idées de l'être et de la pensée exactement comme saint Augustin sur l'origine des idées d'existence, d'essence et de qualité? S'il n'avait pas le passage d'Augustin sous les yeux, il devait le savoir par cœur. Si donc, dit-il, on ne peut nier que nous n'ayons en nous les idées de l'être et de la pensée, je demande par quel sens elles sont entrées. Sont-elles lumineuses ou colorées pour être entrées par la vue, d'un son grave ou aigu pour être entrées par l'ouïe, d'une bonne ou mauvaise odeur pour être entrées par l'odorat, de bon ou de mauvais goût pour entrer par le goût, froide ou chaude, dures ou molles pour être entrées par l'attouchement. Confère logique de Port-Royal, première partie chapitre 1er. Les idées dont je parle, continue Augustin, sont en quelque sorte inhérentes à ma nature. La première fois que je les ai eues, je les ai admises uniquement parce que je les voyais en moi-même. Il est vrai qu'elles étaient dans la partie de mon être la plus reculée et la plus mystérieuse, mais enfin je les y ai aperçues. Faire sortir ces idées de l'état latent pour les produire à la lumière, les tirer de leur état de dispersion et de confusion pour les recueillir, Confession, livre 10, chapitre 11, et les grouper, c'est précisément ce qu'on appelle penser. Comme l'indique le mot latin cogitare, fricantatif de cogiere. Note. Locke parle aussi quelque part d'une opération de l'esprit qu'il nomme le recueillement. Fin de la note. Au nombre des idées dont nous nous souvenons par la mémoire intellectuelle, il faut placer les rapports et les lois des nombres et des figures, en un mot, les idées mathématiques. En effet, ces idées ne sont dues ni à nos yeux, ni à nos oreilles, ni à aucun de nos sens. Car il ne faut pas les confondre avec les sons qui les expriment, ceux-ci sont autres en grec et en latin, pendant que celles-là sont les mêmes en latin et en grec. Il n'y a nulle ressemblance de nature entre les lignes dont j'ai l'idée et les lignes du monde extérieur, si fines, si déliées que ces dernières puissent être, elles ne sauraient avoir servi de modèle à celles que j'ai dans l'esprit, lesquelles n'ont absolument rien de corporel. Confession, Livre 10, chapitres 11 et 12. Descartes et Arnauld ont renouvelé cette distinction aussi féconde que lumineuse de l'idée de la chose et de l'idée du son qui sert à la désigner, et l'ont opposée à l'empirisme de Hobbes et de Gassendi, qui doute, dit Descartes, qu'un Français et qu'un Allemand ne puissent avoir les mêmes pensées ou raisonnements touchant les mêmes choses, quoique néanmoins ils conçoivent des mots entièrement différents. Qu'on fait réponse aux troisièmes objections. Que si l'on objecte, dit à son tour Arnauld, qu'en même temps que nous avons l'idée des choses spirituelles, comme de la pensée, nous ne laissons pas de former quelque image corporelle, au moins du son qui la signifie, on ne dira rien de contraire à ce que nous avons prouvé. Car cette image du son de pensée que nous imaginons n'est point l'image de la pensée même, mais seulement du son, et elle ne peut servir à nous la faire concevoir que tant que l'âme, s'étant accoutumée, quand elle conçoit ce son, de concevoir aussi la pensée, se forme en même temps une idée toute spirituelle de la pensée, qui n'a aucun rapport à celle du son, mais qui est seulement lié par l'accoutumance. Confère logique, première partie chapitre 1er. L'âme se souvient encore des diverses passions qui l'ont agitée, lors même qu'elle ne les éprouve plus et qu'elle en éprouve de tout contraire. Qu'elle se rappelle, quand elle est dans la joie, la douleur que son corps a pu souffrir, il n'y a rien là de bien étonnant, puisque le corps et l'âme sont deux choses différentes, mais qu'elle se souvienne de sa tristesse quand elle est dans la joie, ou de sa joie quand elle est dans la tristesse, c'est là un fait si étrange, que, s'il n'était attesté par une expérience journalière, on le tiendrait pour incroyable. Comment peut-on avoir, dit ingénieusement saint Augustin, de la joie dans l'esprit et de la tristesse dans la mémoire, puisqu'on dit indifféremment, telle chose m'est sortie de l'esprit, ou telle chose m'est sortie de la mémoire, et que, par conséquent, la mémoire et l'esprit lui-même, l'esprit et la mémoire seraient-ils donc à l'égard des connaissances ce que la bouche et l'estomac sont à l'égard des aliments? Seraient-ils faits, l'un pour les goûter sans les garder, l'autre, pour les garder sans les goûter? Il serait ridicule de trop presser cette comparaison, et de voir entre ces choses une ressemblance parfaite, mais elles ne sont pas cependant sans une certaine analogie. Poussant plus avant encore cette profonde analyse, Augustin ajoute, qui oserait nommer la crainte ou la tristesse, si le seul nom de ses sentiments suffisait pour les exciter au-dedans de lui? Et cependant, pour que nous parlions de ses sentiments, il faut que nous en ayons dans la mémoire, non seulement les noms, mais encore les idées. Ces idées sont parfaitement distinctes des images que les sons ont imprimées en nous par l'intermédiaire des sens. Elles ne sont point venues du dehors, mais notre âme les a tirés de l'expérience de ses propres passions et s'en souvient ensuite, qu'elle les ait ou non confiées volontairement à sa mémoire. Confession, livre 10 chapitres 13 et 14. Suivant saint Augustin, la mémoire contient l'idée de Dieu même, car elle contient l'idée de la vie parfaitement heureuse, de la félicité inaltérable. Cette idée est commune à tous les hommes, car, bien qu'ils placent leur bonheur les uns dans une chose, les autres dans une autre, tous désirent le bonheur parfait et tous, par conséquent, en ont l'idée, on ne désire pas ce que l'on ne connaît pas. D'où nous vient cette idée? Avons-nous donc connu Dieu dans une vie antérieure et joui du bonheur dans sa plénitude? Avons-nous été heureux chacun en particulier, ou l'avons-nous été tous ensemble dans le premier homme, qui portait en lui la longue série, La multitude sans nombre de nos existences, nous n'avons pas en ce moment à nous en enquérir, mais une chose positive est certaine, c'est que Dieu habite dans notre mémoire. Confession, livre 10, chapitre 17, 20, 21 et 25. On voit quelle importance saint Augustin attache à la mémoire. Elle est, à ses yeux, la faculté qui conserve les idées relatives, non seulement au corps, mais à l'âme, non seulement aux vérités éternelles, mais à l'être éternel lui-même. Elle ne contient pas seulement ce que nous avons pensé, mais ce que nous savons sans y avoir jamais pensé. Quand, par le mouvement de notre pensée, nous avons découvert quelque vérité importante, nous la confions à notre mémoire. Mais c'est dans les profondeurs les plus reculées de notre mémoire que nous avions trouvé d'abord la matière de notre pensée elle-même. C'est là que s'engendre en quelque sorte ce verbe intérieur qui n'appartient à aucune langue, science née de la science, vision née de la vision, intelligence en acte née d'une intelligence endormie, cachée dans la mémoire. Cette mémoire qui est particulière à l'homme et que les animaux ne possèdent pas, cette mémoire qui contient en elle d'une manière mystérieuse les réalités intelligibles est, d'après l'évêque d'Hippone, une des trois grandes facultés de l'être humain et comme le principe des deux autres. C'est d'elle que naît l'intelligence, et la volonté procède de l'une et de l'autre et les unit entre elles. Ainsi, s'il est permis de comparer les choses humaines aux choses divines, nous avons en nous une image de l'auguste Trinité. La mémoire dans laquelle repose la matière de la connaissance et qui est comme le lieu des intelligibles, offre quelques ressemblances avec le Père. L'intelligence qui en est tirée et formée, n'est pas sans analogie avec le Fils. Et l'amour ou volonté qui unit l'intelligible à l'intelligence, a un certain rapport avec le Saint-Esprit. De la Trinité, livre 15 chapitre 21 à 23. On a pu remarquer quelle vaste carrière se donne la pensée de Saint-Augustin. Après d'humbles détails sur la mémoire presque corporelle qui nous représente la saveur du raisiné et celle du miel, l'odeur de la violette et celle du lys, l'illustre docteur s'est élevé graduellement jusqu'à une forme si haute de cette faculté, qu'elle contient Dieu lui-même et n'a d'analogue qu'en lui. À propos d'une simple fonction de l'âme, son esprit est monté peu à peu de la terre jusqu'au ciel, des vulgarités de la nature animale jusqu'aux sublimités de la nature divine. C'est ainsi que Platon passe sans cesse des faits transitoires aux idées immuables, du monde réel au monde idéal qui le domine et l'explique. Saint Augustin ne s'est occupé nulle part d'une manière spéciale des causes qui peuvent rendre nos souvenirs plus durables ou nous en faciliter le rappel, c'est-à-dire de ce qu'on nomme aujourd'hui les lois de la mémoire. Cependant, il y a peu de ces lois qui aient échappé à son esprit investigateur. Seulement il en est qu'il se borne à signaler en passant, d'un trait rapide, tandis qu'il en est d'autres sur lesquelles il insiste davantage et qu'il met en lumière avec complaisance. Je citerai, parmi les premières, la sensibilité, l'habitude, l'ordre et la révision. Parmi les secondes, le pouvoir volontaire et l'association des idées. C'est bien de la sensibilité qu'il parle, quand il dit que le plaisir fixe inébranlablement dans la mémoire ce qui a rapport à ses objets passagers. De la musique, livre 6 chapitre 11. Ailleurs, il parle de l'habitude, c'est elle, suivant lui, qui a gravé dans sa mémoire les images lubriques qui viennent l'assaillir, soit durant la veille, soit durant le sommeil. Confession, livre 10 chapitre 30. Il reconnaît l'influence de l'ordre sur nos souvenirs, quand il remarque qu'apprendre n'est autre chose que grouper nos idées, de manière qu'elles soient comme sous notre main et nous reviennent au premier signal. Confession, livre 10, chapitre 11. Enfin, l'influence de la révision n'est pas moins nettement caractérisée dans l'endroit des confessions où il dit que, s'il cesse quelque temps de s'occuper de ses souvenirs, ceux-ci s'enfoncent et s'écoulent de rechève dans les abîmes les plus profonds de son âme, de sorte que, quand ils reparaissent, c'est à titre d'idées nouvelles. Idem. Locke n'est pas plus explicite, lorsqu'il fait observer que les idées gravées dans notre esprit sont comme des tableaux dont les couleurs doivent être de temps en temps rafraîchies, sans quoi elles vont peu à peu s'effaçant. Essai sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 40. Une condition du souvenir plus importante encore que les précédentes, c'est l'acte volontaire. Sans la volonté, la mémoire est aussi incapable de se souvenir des perceptions des sens que les sens de percevoir les objets sensibles. Il m'arrive souvent de lire une page d'un bout à l'autre et de ne pas savoir ce que j'ai lu, au point que je suis obligé d'en recommencer la lecture. Quand je me suis promené avec distraction, je ne sais pas par où j'ai passé. Pourtant j'ai vu où je passais, autrement je n'aurais pas pu me diriger ou j'aurais tâté le terrain avec une attention insolite. Mais non, je ne me suis point égaré, et je me suis promené sans plus d'attention qu'à l'ordinaire. Il faut donc que j'aie vu, mais ma volonté n'ayant pas appliqué ma mémoire aux perceptions reçues comme mes sens aux lieux parcourus, je ne me souviens de rien. De la Trinité, livre 11, chapitre 8. Il est impossible, on en conviendra, de porter plus loin la finesse et la profondeur de l'observation psychologique. À chaque phrase de cette pénétrante analyse, on est tenté de s'écrier, comme c'est vrai, où va-t-il chercher cela? Cependant, l'influence de la volonté sur la mémoire n'est pas illimitée. Augustin a très bien vu et dit très nettement, avant les philosophes écossais, que nous ne pouvons nous souvenir d'une chose qu'à la condition d'avoir déjà dans les profondeurs de notre mémoire ou l'idée de cette chose en général, ou l'idée de quelqu'un de ces détails en particulier. Ce qu'on a oublié de tout point et de toute manière, on ne saurait vouloir se le rappeler, car on ne veut pas s'en savoir plus ou moins ce que l'on veut. Pour que je me souvienne de ce que j'ai mangé à mon souper, il faut que je me souvienne ou de mon souper ou au moins de quelques circonstances qui s'y rapportent, ne serait-ce que de l'heure où je soupe d'ordinaire. La réminiscence ne peut donc pas s'opérer par la volonté toute seule, il faut que cette dernière ait pour point d'appui une idée dont nous nous souvenons déjà et qui avait été liée dans notre mémoire à celle que nous voulons évoquer. C'est dire que l'association des idées joue dans la réminiscence un rôle considérable. De la Trinité, livre 11, chapitre 7. La réminiscence tient tant de place dans les théories psychologiques des anciens, et l'association des idées dans celle des modernes, qu'on nous permettra d'insister sur ces deux faits et de montrer plus en détail comment saint Augustin se sert du second pour expliquer le premier. De tous les philosophes qui se sont occupés de l'association des idées, depuis Platon, qui remarque avec tant de grâce que la vue d'une lyre réveille en nous l'idée de la personne aimée qui a coutume de s'en servir, jusqu'à Dugal Stewart, qui abonde là-dessus en observations ingénieuses, aucun n'a mieux vu ce phénomène que saint Augustin, et ne l'a décrit d'une manière plus expressive. « Quand je retrouve, dit-il, un objet que j'avais perdu, et que je le reconnais comme mien, C'est qu'il était perdu pour mes yeux sans l'être pour ma mémoire, et que je pouvais rapprocher les objets qui s'offraient à mes yeux de l'image que l'objet perdu avait laissée dans ma mémoire. Mais il y a des circonstances où l'objet est perdu, non seulement pour les yeux, mais pour la mémoire elle-même, c'est ce qu'on appelle l'oubli. Eh bien, même alors nous cherchons à retrouver l'objet perdu. Ou, dans notre mémoire, et si, par hasard, une chose s'offre à notre esprit à la place d'une autre, nous la rejetons jusqu'à ce que celle que nous cherchons se présente, et, quand elle se présente, nous disons, la voilà. Or nous ne pouvons dire cela sans la reconnaître, ni la reconnaître sans nous en souvenir. Ainsi, nous l'avions oubliée, cela est bien certain, mais n'est-il pas à croire qu'elle n'était sortie tout entière de notre esprit, et que la partie qui y restait nous faisait chercher l'autre, parce que la mémoire sentait qu'elle ne roulait pas en elle-même l'objet tout entier, suivant sa coutume, et que boiteuse, mutilée, elle demandait qu'on lui rendît ce qui lui manquait. Confession livre 10 chapitre 19. On ne saurait assurément ni mieux observer ni mieux dire. Qu'un homme que je connais, ajoute Augustin, s'offre à mes regards ou à ma pensée, et que, ne me souvenant pas de son nom, je me mette à le chercher, tout autre nom qui se présente à mon esprit se lie mal au souvenir que j'ai de cet homme, parce que je n'ai pas coutume de l'y joindre, c'est pourquoi je le rejette jusqu'à ce que je rencontre le nom auquel j'ai coutume de penser en même temps qu'à cet homme, et que mon esprit s'y repose. Et où est-ce que je le rencontre, si ce n'est dans ma mémoire? En effet, alors même que nous le reconnaissons sur l'indication d'un autre, c'est dans notre mémoire que nous le trouvons, car nous ne le regardons pas comme un nom nouveau pour nous, mais nous jugeons, parce que nous nous le rappelons, que c'est bien celui qu'on vient de nous dire. Mais, s'il était totalement effacé de notre esprit, nous ne pourrions nous le rappeler, même quand on nous le dirait, car il faut n'avoir pas encore oublié une chose de tout point pour s'en souvenir après l'avoir oubliée. Donc nous ne pourrons pas même chercher ce que nous avons perdu, si nous l'avons oublié tout à fait. Confession livre 10 chapitre 19. Pour éclaircir ce point, Augustin se sert d'un exemple. Quelqu'un, dit-il, que vous ne vous remettez pas vous dit, vous me connaissez, et, pour réveiller vos souvenirs, il vous dit où, quand, comment vous l'avez connu, si, malgré toutes les indications qu'il vous donne pour se rappeler à votre mémoire, vous continuez à ne point le reconnaître, c'est que toute idée de cet homme est complètement effacée de votre âme. Mais, si vous le reconnaissez, c'est que vous rentrez dans votre mémoire, et que vous y trouvez quelques traces que l'oubli n'avait pas entièrement détruites. De la Trinité livre 14 chapitre 13. Saint Augustin ne se borne pas à décrire, on voit avec quelle exactitude et quel charme, le phénomène de l'association des idées, et à montrer combien la liaison qui s'opère entre les idées au moment de leur acquisition et qui se maintient ensuite plus ou moins longtemps dans l'esprit, a d'influence sur leur rappel. Il fait plus, il signale avec une rare sagacité les principaux rapports d'après lesquels les idées s'associent, les rapports de signes à choses signifiées, c'est ainsi que la vue d'un homme nous rappelle son nom, les rapports de lieu, de temps, de manière, enfin les rapports de ressemblance. Il est positif, en effet, dit-il avec une admirable précision, que l'état mental où nous avons été en présence d'un objet se reproduit à l'aspect d'un autre objet qui lui ressemble. c'est-à-dire que l'idée de l'un est réveillée dans notre esprit par l'idée de l'autre. De la musique, livre 6, chapitre 8. C'est là ce qu'on appelle la réminiscence. Or la réminiscence a été comprise par saint Augustin à peu près comme par Aristote. Pour lui, comme pour le stagirite, elle est le pouvoir que nous possédons de retrouver nos idées perdues, de ranimer nos sensations évanouies, et de passer de l'oubli au ressouvenir. La réminiscence est encore la mémoire, mais une mémoire qui, au lieu de conserver, recouvre, et qui a, par cela même, quelque chose de plus volontaire et de plus agissant que la mémoire proprement dite. La réminiscence est constamment accompagnée de la reconnaissance. C'est un fait que notre auteur a parfaitement vu, et qu'il a exprimé aussi nettement qu'Aristote et les philosophes écossais ont pu le faire. Quand nous nous souvenons d'une chose, dit-il, nous nous en souvenons, non comme d'une chose nouvelle, mais comme d'une chose ancienne et déjà vue. Une sourde perception nous avertit, ajoute-t-il très bien, que l'idée que nous avons alors ne nous vient pas, mais nous revient. De la musique, livre 6, chapitre 8. Elle nous est plus familière, nous offre moins de difficultés, nous n'avons pas besoin qu'on nous l'enseigne, nous ne la connaissons pas, nous la reconnaissons. Nous sentons que la disposition d'esprit où nous sommes ne se produit pas en nous pour la première fois, l'acte par lequel nous nous souvenons, dit admirablement saint Augustin, comparé à notre souvenir lui-même, a une toute autre fraîcheur et une toute autre vivacité. Idem. Nous avons tâché en exposant, d'après saint Augustin, cette large théorie de la mémoire, de lui conserver sa physionomie originale et son caractère historique. Nous avons reproduit, avec la plus scrupuleuse fidélité, non seulement les vues universelles et durables qu'elle contient, mais encore quelques-uns des traits particuliers et transitoires qui en font l'œuvre d'une certaine époque, d'un certain pays et d'un personnage déterminé. Nous voulons dire cet étonnement profond d'un esprit vraiment philosophique au spectacle des phénomènes intérieurs, ces mystiques mouvements d'une âme naturellement religieuse en présence de tant de merveilles, cette subtilité africaine qui s'ingénie à tout expliquer, et qui se joue avec les difficultés réelles ou verbales, cette brillante imagination qui colore les abstractions elles-mêmes, et prête aux idées la vie, le mouvement et la parole. Nous aurions pu resserrer en un petit nombre de pages la théorie que nous avons si amplement développée, mais nous aurions cru manquer à la première loi de l'histoire, qui est l'exactitude, si nous avions condensé en quelques formules froides et obscures des faits qui sont décrits par Augustin d'une plume si animée et si lumineuse. Le premier mérite d'un moraliste est de mettre dans un beau jour des vérités que tout le monde aperçoit confusément. Pour y parvenir, il est obligé de recourir à l'analyse, c'est-à-dire de présenter d'une manière successive et claire ce qui n'apparaissait d'abord que vaguement et par grande masse. Supprimer les analyses quand on rend compte de son travail, c'est replonger les phénomènes décrits dans leur primitive obscurité, et ôter au moraliste lui-même presque tout ce qui peut le faire connaître et admirer des lecteurs. Cela est particulièrement vrai de saint Augustin et de sa théorie de la mémoire. D'autres auteurs, Aristote chez les anciens, Dugald Stewart chez les modernes, ont pu creuser ce sujet aussi profondément que lui, mais ils n'ont pas donné à leurs observations la même vivacité et le même relief. Ils ont peut-être repensé aussi bien que lui sur la mémoire, ils en ont, suivant moi, moins bien parlé. Le reproche le plus grave que nous ayons à faire à notre auteur touchant cette admirable théorie, c'est d'avoir presque entièrement négligé le côté physiologique de son sujet. Il se borne à dire que la mémoire a son siège dans un des trois ventricules du cerveau, entre celui qui est affecté au sentiment et celui qui préside à la locomotion, de sorte qu'elle relie entre elles ces deux fonctions importantes. De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 18. Mais il ne signale même pas les rapports qu'elle soutient avec l'état de santé ou de maladie, de jeunesse ou de vieillesse, d'ivresse ou de sobriété. Cependant, les anciens n'ignoraient pas plus que nous la réalité de ces rapports. Aristote remarquait déjà de son temps combien la mémoire varie avec l'âge, et cherchait même à se rendre compte de ces variations. Il attribuait le peu de mémoire des vieillards et des enfants à l'état de dureté que la matière organique affecte dans les premiers, et à l'état de fluidité où elle est encore dans les seconds. Plus tard, Pline citait un grand nombre de faits tendant à montrer qu'une lésion cérébrale peut déterminer un notable affaiblissement, quelquefois même la destruction radicale de la mémoire. Il est à regretter que l'hypothèse hasardée par Aristote et les faits mentionnés par Pline n'aient pas appelé l'attention d'Augustin sur cette question capitale, et qu'il n'ait pas vu que ces modifications spirituelles, qu'on nomme des souvenirs, ont souvent, sinon leur cause, au moins leur condition dans des modifications purement corporelles. Un autre reproche que nous adresserons à Augustin, c'est d'avoir montré, sur certains points de cette théorie, une assez grande indécision. Il prétend que la mémoire est dans l'être humain ce que le Père est dans la Trinité divine, et qu'elle contient primitivement, à l'état latent, les idées que l'intelligence se bornera plus tard à produire à la lumière. C'est dire que la mémoire n'est pas seulement le dépôt, mais la source de nos connaissances, et en faire la première de nos facultés. Cela est évident. Cependant, il dit positivement ailleurs que Dieu n'a pas toujours été dans sa mémoire, et qu'avant de le connaître dans sa mémoire, il l'a connu en lui-même dans sa vérité immuable. Confession, livre 10, chapitre 26. De plus, il reconnaît que les idées nécessaires sont passagères, bien que leurs objets ne le soient pas, et que si quelqu'une d'elles échappe à notre mémoire, nous pouvons la retrouver là où nous l'avions trouvée d'abord, au sein de la vérité incorporelle qui nous éclaire. De la Trinité, livre 12, chapitre 14. Ainsi Augustin fait de la mémoire tantôt une faculté d'où tout part et où tout aboutit, tantôt une faculté qui se borne à conserver les connaissances précédemment acquises. La première de ces deux conceptions est empreinte d'un caractère d'exagération si marqué qu'elle est tout à fait inacceptable. Il ne reste qu'à se demander comment saint Augustin a pu être amené à l'admettre. L'explication vaut la plus naturelle qui s'offre à l'esprit, c'est que l'étude approfondie qu'il avait faite de cette faculté l'a porté à en étendre démesurément le domaine. Quand un esprit distingué se met à creuser un sujet quel qu'il soit, il finit toujours par s'en exagérer l'importance. Comme il y découvre une foule d'aspects qu'il ne saurait apercevoir dans les sujets qui n'ont point préoccupé son attention au même degré, il se laisse aller à croire qu'il y a réellement plus de choses là où il en a vu un plus grand nombre, et à expliquer une foule de phénomènes, non pas par leur principe véritable, mais par le principe qui lui est le plus familier. Malebranche rapporte à l'imagination une multitude de faits qui n'en dépendent qu'indirectement, quand toutefois ils en dépendent. Adam Smith voit dans la sympathie la raison dernière de la plupart des jugements et des actes qui composent la vie humaine. Enfin, de nos jours, un brillant écrivain, versé dans l'étude de la philologie, a proposé de ramener à la linguistique la philosophie tout entière. Ce n'est qu'au prix de ces illusions d'optique qu'on acquiert la faculté de voir plus loin que les autres sur un point donné. Saint Augustin n'aurait-il pas subi la loi commune, n'aurait-il pas trop accordé à la mémoire, parce qu'il l'avait observée avec une sorte de complaisance et de prédilection? Si cette explication a priori ne paraît pas satisfaisante, en voici une que nous suggère l'examen des faits, et qu'on trouvera peut-être plus plausible. Saint Augustin, ayant subi profondément l'influence de la philosophie néoplatonicienne, n'en répudia que fort tard certaines doctrines peu conciliables avec le dogme chrétien, et surtout celle de la réminiscence. Dans sa lettre à Nébride, il fait un grand éloge de cette doctrine, et dans ses confessions même, nous l'avons vu, il se demande si l'idée de Dieu ne nous vient pas d'une vie antérieure que nous aurions vécue, ou chacun en particulier, ou tous ensemble dans le premier homme. Or on comprend que, même après avoir rejeté cette théorie, il n'est pas rejeté tout à fait le langage dont il s'était servi jusque-là pour l'exprimer, et que, devenu chrétien par la pensée, il soit resté un peu alexandrin par la manière de la rendre. La mémoire qu'il compare au Père dans la Trinité divine, n'est-elle pas celle à laquelle Plotin rapporte les idées des choses intelligibles, et dont il dit, les anciens semblent avoir appelé mémoire et réminiscence l'acte par lequel l'âme pense aux choses qu'elle possède, c'est là une espèce particulière de mémoire tout à fait indépendante du temps. Énéade 4e. Quant au passage où saint Augustin fait de la mémoire la simple faculté de conserver les vérités déjà découvertes, et attribue à l'intuition la connaissance des vérités absolues, j'y vois un effort de sa pensée pour s'élever au-dessus des doctrines de la philosophie ancienne, et pour répudier jusqu'à son langage. Il est alors beaucoup plus dans la vérité et dans la logique, car il y a de l'inconséquence à admettre le dogme de la réminiscence quand on rejette celui des existences antérieures, et il n'y en a pas moins, quand on rejette le dogme de la réminiscence, à tout faire dériver de la mémoire. Ici, comme sur d'autres points, Augustin est un philosophe de transition. Il combat la réminiscence de Platon, et prépare les idées innées de Descartes, sans rejeter assez positivement la première, et sans admettre assez nettement les secondes. Cependant, ce n'est pas pour lui une médiocre gloire d'avoir dégagé, même imparfaitement, ce qu'on nomme aujourd'hui le rationalisme des hypothèses par lesquelles le platonisme l'avait compromis, et d'avoir épuré une doctrine qui devait avoir de si hautes destinées dans les âges modernes. Cette gloire serait plus grande encore, si Plotin n'avait pas précédé saint Augustin dans cette voie par sa théorie de l'union de l'âme avec les intelligibles, théorie qui aurait dû, comme le remarque le père Thomassin, le conduire tout droit à la négation de la réminiscence. Rien, d'ailleurs, de plus approfondi et de plus fouillé, comme on dit aujourd'hui, que cette théorie de la mémoire dont nous venons d'essayer l'exposition. On a prétendu quelquefois que le souvenir n'est qu'une sensation continuée. Or il y a, suivant saint Augustin, entre la sensation et le souvenir que nous en avons une différence essentielle, car l'un de ces phénomènes est affectif, tandis que l'autre est cognitif, et, si celui-ci nous révèle celui-là, C'est un fait que l'on peut constater, mais dont le comment et le pourquoi nous échappent. On a souvent voulu voir dans la perception la représentation fidèle de l'objet, et dans le souvenir la persistance de cette représentation. Augustin, après avoir remarqué, en traitant des sens, que la perception n'est qu'un rapport entre l'objet perçu et le sujet percevant, où ce dernier met beaucoup du sien, et qui varie avec les circonstances soit organiques, soit psychologiques. Augustin fait voir que le souvenir lui-même n'est pas une représentation exacte, fixée une fois pour toutes dans l'esprit, et n'y éprouvant aucune altération jusqu'au moment où l'oubli l'efface à jamais, mais que c'est une image qui va se modifiant en nous avec le temps, et qui n'y reste pas un seul instant la même. On croit encore communément que la matière du souvenir, si je puis employer ces termes techniques, est fournie par les sens, et sa forme par l'esprit, que la première est externe, et la seconde interne. Augustin prouve admirablement que dans le souvenir tout est interne, la matière comme la forme, et que ce n'est pas des objets que nous nous souvenons, mais des impressions qu'ils ont laissées au-dedans de nous. On se figure généralement que la conscience et les sens saisissent à la fois un ensemble plus ou moins considérable, et l'on ne fait intervenir la mémoire qu'après coup pour conserver leurs diverses acquisitions. Augustin démontre très bien que, sans la mémoire, ces deux facultés seraient réduites à l'inaction, parce qu'elles ne pourraient opérer que sur des indiscernables, de sorte que, si la perception est la condition de la mémoire, celle-ci est, à son tour, la condition de la perception. Enfin, beaucoup de personnes s'imaginent encore, à l'exemple de Locke, qu'une idée ne peut être dans l'esprit sans être connue, et qu'une idée que l'on a sans le savoir n'est rien. Augustin réfute d'avance cette opinion. Il remarque, avant Leibniz, qu'entre l'idée actuellement apparente et l'idée anéantie il y a l'idée latente, la perception sourde, qui offre des nuances infinies, et qui explique la plupart de nos croyances irréfléchies, de nos subites résolutions et de nos brusques réminiscences. Quand Augustin aurait mis en lumière que ces différents points, avec la clarté, la vivacité, la profondeur qui le caractérise, cela suffirait pour que son nom restât à jamais attaché à la théorie de la mémoire, et fût inscrit parmi ceux des plus grands psychologues de l'Antiquité. Markendan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.